fois sur le trottoir, prendre le train du soir. I try something. I try something. Je te vois sur le trottoir, prendre le train du soir. Et t'as ton regard noir, et tu veux plus me voir. Manéger le ménage à trois, on ne faisait rien à jamais. Comme ça tu t'en vas. J'ai pas un petit synthé là. Comme ça tu t'en vas. I tried something. Comme ça tu t'en vas. I tried. Computer. Computer is out. I tried to. Ah putain, y'a un problème. C'est pas bon d'avoir du mauvais matos. Bon, échappe, échappe. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah.